Oye oye, il est 21h03 sur le 89.5 et c'est Boogie qui va commencer. On laisse tourner le générique. Eh oui, Véro, bonjour, Véro à la technique, Véro toujours là, pour un boogie numéro, alors je sais jamais comment faire ça parce que je sais que le camarade Gérard par exemple avec son émission de pop du vendredi soir en est à l'émission 1000 et quelques, mais bon, lui il est le d'accord. Et nous on doit pas être très loin derrière hein, parce que l'émission commence en 99 qui a été longtemps une hebdomadaire. Voilà, il faudra se renseigner et savoir de combien de boogies on en est. Voilà, petite parenthèse que je referme tout de suite. On va commencer par un petit live. Voilà, alors ce soir c'est une thématique un petit peu particulière. J'avais décidé depuis un moment de peut-être faire une spéciale groupe français, groupe blues rock, hein, on est bien d'accord. Et oui, et ben c'est ce soir finalement. J'ai changé mon fusil d'épaule. Et à part les Rival Sound qu'on va écouter tout de suite, et je ne vais passer que des groupes français et je crois un groupe belge aussi, le chanteur Marca. Mais on va rester dans l'Hexagone. Voilà. On écoute tout de suite le live session Cognac Blues Festival de 2024. J'avais passé la première face la dernière fois, je ne sais plus, il y a quelques temps. On s'écoute tout de suite Rival Sound, le groupe californien avec Shooting Star. And this song right here, ever since we recorded it, it's taken on the job of being a song to sing when you don't feel so hot, you know, or when there's more bullshit in the world, or tragedy, and I sing it to make myself feel good. My love, the sky, splitting through the darkness, putting the light into their eyes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We move through the world like the shooting stars across the sky, splitting through the darkness, putting the light into theirs. Oh, we move through the world like the shooting stars across the sky, splitting through the darkness, putting the light into theirs. Oh, stronger than yours, it's stronger than yours. My love is stronger than yours. Hate will never be. Voilà, Rival Sons, le fameux groupe californien que je qualifierais de blues cool sur ce morceau en tout cas. Je peux pas trop parler du reste parce que sincèrement je suis pas très connaisseur de leur musique, mais bah voilà, ils étaient en tournée en 2024 et ils sont passés par le Cognac Blues Festival. On va enchaîner avec un autre groupe. Alors à savoir aussi, ouais, une petite chose toute bête que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y aura des places à faire gagner. Des places à faire gagner pour le concert au fil du 24 avril, c'est-à-dire jeudi prochain. À l'affiche, GA20, qui s'écrit GA20, voilà. Et le groupe français Dirty Deep. Vous n'avez qu'à appeler au 04 117 25 05 94. Véro, tu me confirmes que c'est bien ce numéro, 0417-25-05-94, pendant les morceaux, bien entendu. Et voilà, et vous gagnerez une petite place pour aller voir ce concert. On va tout de suite enchaîner avec, dans l'ordre du programme, justement, du fameux Cognac Blues Festival, toujours en live, le groupe Inspecteur Clouseau, le groupe landais, voilà, qui a la particularité d'être à la fois exploitant agricole et groupe de blues. Voilà, c'est un duo, c'est le même genre de duo qu'on vous proposera au fil avec les deux groupes que je viens de vous citer. On envoie tout de suite Inspecteur Clouseau avec le titre Little Girl and the Wishing Train. C'est parti. Ça va partir. Ouais. Un vinyle qui ne veut pas se lancer. C'est parti. 89.5 Boogie. Little girl wants to look around. Little girl, just hear the sounds. Do today. Today is the day of the worst trade. Last day. Il s'agit du titre Little Girl and Wishing Train. On est sur un registre très, très folk blues. Alors moi j'ai adoré. Et toi aussi Véro, apparemment tu me disais que... Ah, toujours le problème. Ah. Toujours le problème de micro. Mais là, si tu bouges plus rien, ça va le faire. Oui, j'ai bien aimé aussi. Ouais, c'est voilà. Un peu fort. Ouais. Oh là là. Avec cette espèce de petit sifflement lancinant derrière, on aurait dit... Ennio Morricone, un petit peu... Petit western, ouais. Voilà, un peu western, et puis très très folk, hein, très très... Voilà. Alors, ils font pas que ça, hein, le morceau qui va suivre, parce qu'on va continuer avec eux quand même. Alors, le seul petit reproche que je pourrais faire à Inspecteur Clouseau, ils ont fait 9 albums. Le titre qu'on vient d'entendre n'est pas spécialement sur un album que je connais. Je le déplore, mais c'est comme ça. Mais le petit reproche, c'est que jamais, je crois, j'ai entendu un titre d'eux en français. C'est dommage parce qu'ils ont des voix et quand même, c'est quand même un duo qui est très performant hein, en France hein, et qui est reconnu comme étant un des plus prolixes, comme on dit, et puis aussi en qualité pure, vraiment. Voilà, avec les Mountain Men, je crois qu'on ne fait pas beaucoup mieux dans le style duo blues. On va enchaîner avec l'album sorti en... Alors, c'est soit 2018, soit 2020, mais je crois que c'est 2018, ouais, c'est ça. Il s'agit de Brother in Idyls, qui est considéré plus ou moins... comme leur meilleur album, même si le premier qui s'appelait alors attends, je vais te le dire parce que là j'ai leur discographie sous les yeux, qui s'appelait Inspecteur Clouseau, ouais, qui avait fait en sorte que de les faire connaître un peu et qui était extrêmement de bonne qualité. On va tout de suite écouter le titre sur l'album Brother in Idyls, la plage 3, qui s'intitule Globalization Blues. They came to land, said, they just wanted to give us a better world life. It's a Western country vision. They said we'll feed us with a new way of farming. It's the good Western country way. It's a corporate invasion. Western countries. Here comes an army of CEOs. They came to our lands, ruining everything. Climate changing. I got to escape. We got to escape. It's a corporate invasion. Western countries have it. Yo. Just wanted to give us a better way of life. It's a Western country vision. They said we will feed us with a new world of farming. It's a corporate invasion. Western countries have it. Thank you. Oh yeah. Voilà, ça c'est moi, c'est pas eux. Inspecteur Clouseau sur l'album Brothers in Idils Globalization Blues. Voilà, ça va mieux comme ça. Qui les caractérise bien. Là, on est sur du roots, hein, on est sur du blues twee trad. Tout à l'heure, je te parlais de leur discographie. Ouais, c'est l'album French Bastard qui m'avait marqué, et aussi le double vinyle Rock Farmer qui les caractérise bien, puisqu'ils sont à la fois agriculteurs et musiciens. C'est vrai que ça résonne quand je fais taper, c'est dingue comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est aussi, le micro est aussi réceptif. Bon bah écoute, tant mieux, on va pas s'en plaindre. On va enchaîner, on avait dit qu'on enchaînait par, voilà, on fait gagner des places, c'est ça, on y est, hein, parce que là je suis arrivé très très en retard à la mission, donc on va vous raconter un petit peu notre vie. Véro était là, m'attendait, elle avait peur que je ne vienne pas, carrément, et j'avais oublié de la prévenir que j'aurais du retard, et là je suis arrivé, je me suis installé et on a lancé l'émission. Voilà, pas trop de préparatifs, on est dans Boogie, on se casse pas trop la tête. L'essentiel, c'est de vous passer de la bonne musique, du rock et du blues. Pas de blues sans rock et pas de rock sans blues. La fameuse formule qu'il faut répéter et répéter encore. Donc, on fait gagner des places. Je vous le rappelle, des places à gagner pour le concert GH20 plus Dirty Deep en première partie. C'est maintenant tout de suite sur le 89.5 de Radio Duo. Le numéro de téléphone, c'est 04 117 25 05 94. Et on va vous passer un petit titre du groupe GH20, qui est un groupe américain. Je vous avouerai que je ne sais pas grand chose d'eux. J'ai été voir sur YouTube quelques performances. En effet, c'est un duo très performant. Dirty Deep, c'est plutôt un trio. Trio, ouais, c'est ça. Un trio français qui a le vent en poupe. Hein. Je crois qu'ils sont originaires de Strasbourg. Et aussi, ça marche bien pour eux. Ils sont invités dans pas mal de festivals. Alors, j'ai lu quelques trucs sur eux. Ils se sentent un peu trop blues pour les festivals rock et un peu trop rock pour les festivals blues. Mais enfin, je dirais que quand on a une qualité comme ils ont, qualité scénique évidente, et un son très à la mode, et ben, il n'y a pas de souci à se faire, ils vont réussir. Ils en sont à leur cinquième album, je crois, mais tout de suite on écoute GH20 avec Let's Get Funky. Yeah! Oh yeah, Chihei 20. Je pense qu'on va pas s'ennuyer au fil. Alors, on en sait un peu plus hein, grâce à toi, Vérou. Je te remercie d'avoir checké les informations. Ce groupe est de Boston et il a été monté par Pat Forty et Matt Stubbs. Et Matt Stubbs, c'était ni plus ni moins que l'ancien guitariste de Charlie Musselwhite. Voilà, Charlie Musselwhite, l'harmoniciste qui a joué avec pas mal de monde, hein, ouais, mais qui est un des grands harmonicistes encore en vie, si je dis pas de bêtises, qui est un vieil harmoniciste et qui jouait avec l'ami, bah j'ai oublié, voilà. Qu'on a passé souvent ici à Radio Duo, des trous de mémoire comme ça, c'est incroyable. Ça va me revenir. Je me laisse un peu de temps. Alors, JA20, toujours pas d'appel sur le téléphone de la radio. C'est pas grave, ça va arriver. Pourquoi il s'appelle comme ça JA20? C'est tout simplement parce que c'est un type d'ampli de chez Gibson. Voilà, la célèbre marque de guitare et d'ampli Gibson JA20. GA20, prononcé en français GA20. Leur particularité, c'est d'utiliser des instruments très très vintage et un son un petit peu plus moderne. Dans ce style de heavy blues qui peut parfois énerver, mais qui nous rappelle pas mal de groupes qu'on avait passé il y a une dizaine d'années, parce que ce style-là, il a bien au moins 10 ans. Et qui est surtout le fait de formation en duo ou en trio. Voilà, on a hâte de les voir parce que je pense qu'au niveau ça doit être assez spectaculaire, oui, sur la scène du film. On va pas s'ennuyer. On va parler de la première partie maintenant, Dirty Deep. Alors eux, ils sont strasbourgeois. Le groupe a été formé en 2010 par Victor Sbrovazzo. Voilà. Qui était juste pas un groupe, il était juste un one man band, hein, c'est-à-dire tout seul, il faisait un petit peu tout, puis plus tard il a trouvé certainement plus pratique de faire un duo avec un batteur, et puis plus récemment ils ont pris un bassiste et ils sont un trio qui détonne, hein, apparemment, et qui a beaucoup de succès partout où ils vont, hein, parce qu'ils vont même ils se sont même exportés, ce qui est rare pour un groupe français. Alors ils chantent pas trop en français eux non plus, hein. C'est ce qu'on va dire. Alors voilà, on avait dit pendant les morceaux, mais c'est pas grave, on va répondre quand même. Qu'est-ce que je voulais dire sur Dirty Deep? Ouais, voilà, ils ont écumé les festivals en France, et ils ont même fait une petite excursion aux États-Unis. On va passer un morceau tout de suite. Un morceau qui s'appelle, ben je ne sais pas, voilà. On va regarder ça. Dirty Deep, labour un blues marécageux, gras, alliant parfois vers la folk ou le rock. C'est un one man band depuis début 2010. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, il est formé par Victor Sprovenzo. Et voilà, et leur influence, malgré qui transforme beaucoup le son, c'est Sonny Boy Williamson, Johnny Hooker, Soundhouse, des bluesmen légendaires de l'époque, d'une époque très ancienne. Ça va, Véro, on peut lancer le morceau Dirty Deep? Le morceau, je vais peut-être te laisser le... Vous êtes bien sur le 89.5, c'est bien Bookie. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ton micro fonctionne? Oui, je crois. Il est peut-être un petit peu fort. Est-ce que tu peux nous donner le titre de Dirty Deep? Qu'on aura la chance de voir. Words in a Bottle. Words in a Bottle. Mais tu me l'avais dit en plus. Words in a Bottle, tout de suite sur 89.5 de Radio Dio. C'est Boogie en live. Rien que pour vous. We'll be right back. feel the same. You can win some or lose some, it's all the same to me. It's a non-stop contest, Lord, between happiness and pain. Your heart, when I got to have the juice now, not to be tear apart. You do what it takes now to stand your ground. Hard times fought a couple of your battles down. Wow! Yeah, voilà, c'était Dirty Deep. Dirty Deep. On a enchaîné donc avec le morceau What Really Matter Bottle qu'on avait déjà passé dans l'émission précédente il y a 15 jours. On remercie la personne qui a gagné, hein, qui a gagné deux places. Bravo à elle. Simplement, elle se présente en donnant son nom. Voilà, on n'a pas précisé les modalités au téléphone. Il reste encore une place à gagner, du coup. Et elle se présente en donnant son nom à l'accueil du fil. Voilà, tout de suite à l'entrée, sur la gauche. Elle dit qu'elle a gagné une place et qu'elle est sur la liste de Radio Duo. Qu'elle a gagné deux places. Hein. Tu me confirmes, Véron? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, Dirty Deep, ouais, c'était vraiment bien. Et on sent bien leurs influences multiples. Alors, dans l'article que j'ai sous les yeux, bien sûr, ils parlent des grands bluesmen comme Sonny Boyle Williamson, Johnny Hooker, Soundhouse, ça on n'en doute pas. Mais aussi des artistes plus récents comme Scott Ashby Ram, qui est passé à Saint-Etienne il n'y a pas si longtemps. Lieutenant Cruiser, Mark Porkchop Holder, cette espèce de fou, de gros barbu texan qui dépote et qui est un guitariste hors pair. Ouais, voilà. Et au niveau du son, oui, en effet, il y a quelque chose, ouais, qui ressemble à cet individu qu'on ne tardera pas de repasser dans Boogie sur le 89.5 de Radio Dio. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est spécial blues français, c'est spécial blues français, surtout des groupes que j'ai vus, que j'ai eu l'occasion de voir ces 15-20 dernières années. Je les ai vus plus dans des bars que dans des grandes salles ou que dans des festivals. Hein. Mais c'était d'autant plus sympa parce que, contrairement à ce qu'on croit, dans un bar ou dans une petite soirée un petit peu organisée à l'arrache ou ouais, dans un bistrot où tout le monde est plus ou moins défoncé au bout d'un certain temps, hein, il faut bien l'avouer, il peut y avoir des ambiances de malade. Je pense notamment à des endroits comme le bar de Lyon, chez François, où j'ai vu pas mal de ces artistes. Et là, je vais vous passer un groupe que j'ai vu à Bassambassay. Alors, voilà, c'était organisé par Eleonore Grasso. Si tu m'écoutes, Eleonore, je te fais des bisous. Et tu avais organisé ce concert là avec ce groupe dont on savait pas s'ils allaient devenir célèbres. Et puis bon, bah maintenant, ils font la première page de Rolling Stone, 15 ans après. Je crois que c'était en 2012-2013, je sais plus précisément. Et il s'agit des All Wind Joes, voilà, du rock and roll bien léché, hein, ça transpire le Beatles période rock and roll. Et je sais pas que sur ce 6 titres tout est bon, donc entre la 1, la 3 et la 4, voilà, tu pourras même laisser filer la chanson d'après parce que tout est extrêmement bon. Et puis après, on passera peut-être le petit vinyle que j'avais acheté. Et lors de leur, c'était de leur tout premier concert, hein, c'était une mini tournée qu'ils avaient fait, c'est des Parisiens, et oui, aujourd'hui ils font la couverture de grands magazines, ils passent dans des grands festivals de rock and roll, mais pas que, voilà. All Wind Joe, on écoute tout de suite le titre qui s'appelle You Got It All Wrong. Invited you to dance with me, but only for one song. You follow me every mile of track, everywhere I go and all night long. Baby, you got it all wrong. It's time for you to wake up, baby, you've got it all wrong. last so long, baby, oh so long. Baby, you got it all wrong. Baby, you got it all wrong. Baby, you got it all wrong. Baby, you got it all wrong. On peut pas être plus 60s qu'avec les Halloween Joes sur cet album Burning House. On enchaîne tout de suite avec le titre suivant, She's Gone. Joe sur l'album Burning House. On était en train de discuter là, donc on était encore un petit peu pour pas dire complètement à la ramasse, en train de discuter à l'arrache. C'est vrai que la semaine prochaine on sera à ce concert et on était un petit peu à se demander comment ça allait se passer et comment on allait finir cette émission un petit peu trop improvisée, mais j'en suis l'unique responsable, on est bien d'accord. On va enchaîner donc encore avec un groupe que j'ai vu, bien entendu un groupe français qui ne chante pas beaucoup, pas souvent en anglais, mais de temps en temps. Il s'agit de nos amis, alors je dis Clermontois, mais je crois qu'ils sont de l'Allier. Hein. Il s'agit des Black Cat Bones avec Phil Blues à la guitare. Je me souviens plus du nom de la violoniste qui joue avec eux, mais je me rappelle du nom de la chanteuse qui s'appelle Lo Tiva, et qui ont formé longtemps, mais alors maintenant ils sont en trio, mais qui ont formé longtemps un duo blues rock, country rock, voilà, régional, qu'on adore. Eux aussi, je les ai vus à plusieurs reprises, et notamment au Bar de Lyon, chez François. C'était il y a quelques années, ils avaient bien mis le feu, on avait bien rigolé à la fin, on avait bien trinqué aussi, ouais, si je me rappelle bien. Et c'était juste après la sortie de leur album Euphoria, Madness and Pain. Et je vais vous proposer d'écouter tout de suite la plage de Moriarty. Let's... Take my car with you. Watching for the desperate quest between euphoria, madness, and pain. Nothing behind me. Everything I need. I see silver on a road. Lift your past and go with me. You say the road is a lie. You have to go and never stop. You say the road is a lie. But no regarding, where did you go? Follow me, follow me into your land. Ouais, les Black Cap Bone qui étaient venus il y a déjà très très longtemps faire une session live sur le 89.5 de Radio Duo. C'était un mercredi soir avec Pascal. On avait passé un vège de bons moments ici avec eux. Et ça, ça pourra revenir très très bientôt. Ça me fait penser à mes amis les Deep Down, qu'on doit toujours recevoir et qu'on recevra avant la fin de la saison, ça c'est sûr. On va passer à le premier album des David Joe. Les David Joe, ben voilà, j'avais quelques dates à annoncer parce que la tournée 2024-2025 continue. Elle se terminera en décembre et ben, ça va les emmener un peu partout, hein, dans la Drôme jusqu'à Dunkerque, j'ai vu, avec des endroits pas possibles. Bah tant mieux pour eux, hein. Ils s'exportent très bien, nos amis les Devil Joe. Spéciale dédicace à toute la team, hein, mais particulièrement à Laurent. Et puis aussi, bah, voilà, pour fêter le nouvel album, peut-être que si Laurent venait avec sa guitare ici, alors peut-être pas tout le groupe, je suis pas sûr qu'on puisse tous les accueillir, quoique ça peut se tenter. Pareil pour JB avec les Deep Down, et pourquoi pas Lo et Phil Blues ici un soir, peut-être, pourquoi pas. Tout ça, ça s'organise, on va y penser très fort avec Véro. Le premier album des Devil Joe, bah, c'est toi qui as la pochette, Véro, donc du coup, bah, peut-être tu vas nous le donner. Et puis le nom du morceau aussi, parce que j'ai tout laissé vers toi. Allô. Ah, bah, voilà. Alors que je ne parle pas bien anglais, donc c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas mais enfin... grave. Attends. Ouais. Alors. Singing the good and the bad. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le titre de. Ah, c'est le titre de l'album, et tu veux le titre du morceau, j'imagine. Voilà, c'est ça. The Sleepless Night Blues. On va écouter ça tout de suite, mais juste préciser que ben, ça, c'est un vinyle de collector, hein, parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Il m'est spécialement dédicacé, comme tu peux le voir. Et je suis très fier de posséder cet album. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On écoute ça tout de suite sur le 89.5 de Radio Dio. C'est Boogie. On est en direct. My but it's in my mind. Cause my brain gotta explode. I'm waiting for the deadline. Yeah! Devil Joe, première mouture, comme on dit. Waouh! Quelle claque! Quelle claque! Et comme ça nous ramène en arrière. Mais quel chemin aussi parcouru par ce groupe dont le line-up a complètement changé, bien sûr, Sarah n'étant plus là. Mais comme c'était bien, comme c'était original, comme c'était puissant, comme c'était violent, comme c'était comme on aime ici, quoi. Bravo! Voilà, on va enchaîner parce qu'on pourrait, on pourrait parler beaucoup de ce qu'on vient d'entendre, mais on en repassera de ce premier album des David Joe, et puis on passera aussi du second, voilà, et puis peut-être du troisième, et enfin du dernier. Le dernier qu'on espère entendre des versions un petit peu acoustiques ici, dans Boogie, dans les studios de Radio Duo. On a toujours une place à faire gagner pour le concert du Phil jeudi 24 avril au Phil. Il reste une place 0417 25 05 94, pendant les morceaux. On va enchaîner avec un groupe qu'hélas je n'ai jamais vu. Alors là, j'ai vraiment les boules parce que j'aurais pu les voir si un certain monsieur Manu Lanvin n'avait pas annulé au dernier moment son concert au clapier. Et voilà, ils étaient censés faire la première partie. Il s'agit des Red Beans Pepper Sauce, le groupe de Montpellier, avec sur l'album Mechanic Marmalade, qui est vraiment excellent, avec l'excellent Laurent Galichon à la guitare et la non moins talentueuse Jessica Hacquet au chant. Les autres musiciens au clavier: Serge Osier à la basse, Denis Bourdier à la batterie, Nico Saran. On écoute tout de suite le premier titre de cet album, Time to Get Away. C'est parti. We'll be right back. Red Bean Paper Sauce. Mécanique Marmelade, un album sorti, alors, si je dis pas de bêtises, en 2018, mais peut-être c'est plus récent, c'était en 2019, le 27 septembre exactement, voilà. Alors ça, ça dépote, hein. Ouais, ça j'aime bien, je les ai jamais vus, j'ai vraiment les boules parce qu'ils étaient passés à la All Blues Club de Pélussin en plus. Un endroit où je vais rarement, à cause un peu de l'éloignement géographique, donc la distance entre comment on peut dire ? Travail. Voilà, la localisation de mon travail et cet endroit à Pélussin, qui ne sont pas tout à fait cohérents l'un l'autre. Et c'est surtout aussi le fait que ben, c'est pas trop le week-end que ça joue du blues là-haut, c'est souvent en semaine. C'est un peu le truc des retraités. Alors, j'ai rien contre les retraités, hein, parce que j'ai plein de copains et copines qui sont déjà à la retraite, mais c'est un petit peu fait pour eux là-haut. Et puis, c'est très proche des amis lyonnais, amis de rock et amis de blues, que je salue d'ailleurs. Voilà. Je sais plus ce qu'on va passer là. Je sais plus. Je suis un petit peu perdu. Ah, si, il faut annoncer le dernier gagnant de la soirée. Il s'agit de Manu. Manu, ben voilà. Manu, ben on te salue, hein, Manu. Voilà, on est content de savoir que tu écoutes toujours l'émission. Et ben, tu as gagné une place, voilà, pour ce concert. GA20, avec en première partie Dirty Deep. Je pense qu'il ne faut pas manquer la première partie, hein, je le redis. Hein, sûr que le groupe américain est certainement très performant et très spectaculaire, mais... Je pense que les Dirty Deep, les Strasbourgeois, ça va dépoter aussi. Donc, il ne s'agit pas d'arriver en retard à cette soirée-là. Oh, on voulait enchaîner avec quelque chose de très... Vas-y, où aide-moi. Je ne sais plus. C'est la 7. Ah, voilà. Ah oui, alors ça, c'est un peu spécial. Oui. Alors, d'accord, oui, ça me revient. Il s'agit de Marca, le chanteur rock and roll. Ouais, ça, on peut dire ça. Alors, la particularité de la Belgique, c'est qu'ils nous sortent toujours des gens très, très talentueux et puis qui sont d'une simplicité incroyable. Et un jour, à la radio, on a reçu cet album-là de Marca. L'album qui s'intitule Vaudou Belge. Et qui est un vrai album complètement rigolo, complètement dingue. Et j'ai choisi de... J'en avais déjà pas passé à l'époque, hein, ça remonte à quelques années déjà. Et j'ai choisi de vous passer le titre La Solution. Là, on est vraiment avec un artiste que je n'ai jamais vu, hélas, mais que j'ai hâte de découvrir. C'est un vieux rocker déjà d'une soixantaine d'années, mais c'est quelqu'un de très très talentueux. On écoute tout de suite Marca dans Boogie. Ce qui ne va pas, sans mettre la pression, appelez-moi et je suis là. Avec moi, y a pas de tabou, il n'y a rien que je ne résous. Et pour moi, tout est clair. Je sais ce qu'il faut faire pour le vrai du faux. Ah, suivez-moi sur les réseaux. Vous verrez, c'est pas compliqué. Il suffit juste de m'écouter. Je suis fier et j'en fais pas mystère, non. On vous prend pour des cons, on prête à confusion, alors que moi, tout en 80 à Bruxelles. On était 100 et j'étais là. J'avais prédit, je m'en souviens, que U2 ça marcherait pas. Aujourd'hui, bonhomme donne raison. Il dit qu'il n'aime pas ses chansons. Je suis né. Yeah. Je vous en prie, écoutez-moi. Je sais ce qu'il faut faire et j'en fais pas mystère. Pourtant, mon avis est des plus importants. Je cote les taxis et tous les restaurants. J'ai la solution à tout ce qui ne va pas. C'est lundi, appelez-moi et je suis là. Je suis né pour aider, pour aider. Yeah, voilà, on vient d'écouter l'artiste Marca. Alors cet homme, il a plusieurs particularités, dont une que tu vas nous annoncer tout c'est de suite. C'est les potins de Bookie. Les potins voilà, de c'est Bookie. La nouvelle rubrique. Voilà. Il faut qu'on avoue un truc aussi, c'est que maintenant qu'on a des téléphones, l'accès à Internet avec l'ordi, chose qui n'existait pas à l'époque d'un certain Pascal Perkovic, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, on passe un morceau et si on sait pas grand chose sur l'artiste, on peut quand même, entre deux morceaux, aller regarder un petit peu ce qu'il en est, d'où il vient et voilà. Et concernant le fameux Marca, Véro, voilà, je te laisse la parole. Il a enfanté deux personnes de talent, on peut le dire. Ça oui, dépend si est-ce si que tu écoutes. Même si ce n'est pas notre cam. Voilà. Et ben, Angèle et son frère Roméo Elvis. Voilà. Et bah, écoute, donc, vraiment, alors là, je suis sur le. Voilà, je savais que ces personnes étaient les enfants d'un musicien et compositeur. J'étais loin de me douter que c'était du fameux Marca, mais quelque part ça m'étonne pas, oui, parce que du coup ben, les choses s'expliquent un peu plus. Sans transition, je vois ce que tu veux dire. Alors on va. Pardon, écouter. Je pourrais parler, hein, mais. Tu pourrais continuer. On pourrait continuer d'échanger, en effet. C'est vrai. Alors là, je vais te faire découvrir, mais c'est pas sûr que tu aies jamais écouté ça sur dans Boogie, parce qu'on en a passé pas mal. Il s'agit de Slim Paul. Slim Paul, au départ, il faisait partie de. Voilà, c'est des Toulousains, il faisait partie de ce groupe un petit peu à part dans le blues français, c'est-à-dire qu'ils avaient la particularité d'être un blues. Un groupe de blues hip-hop, voilà. Le blues est mangé à tellement de sauce, on a écouté tout à l'heure du heavy blues. Et ben sache que aussi il existe, et depuis des années, du blues hip-hop, du hip-hop blues, je sais pas comment, voilà. Et le groupe toulousain qui a un petit peu forcé le trait par rapport au style, c'est quand même bien Scarecrow. Voilà, et les membres de Scarecrow, dans les membres de Scarecrow, j'ai oublié le nom du rappeur, mais il y avait le guitariste Slim Paul qui a après volé de ses propres ailes et qui nous a gratifié de cet album complètement génial, Did Hear Already. On va peut-être s'écouter le premier morceau parce que j'ai plus trop de souvenirs de. Je sais qu'il est écoutable du début à la fin, donc ça c'est très très agréable, surtout chez un artiste français. Encore un artiste français que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Je sais qu'il était passé Complètement par hasard, et j'avais pas pu m'y rendre à Tens, 43, mais j'ai plus le nom du restaurant. Je crois que c'est le golf de Tens, oui. Il y a un nom, bon, peu importe, c'est un restaurant très très bien coté et qui fait passer de la bonne musique les vendredis ou samedis soirs. Et j'ai raté, et je m'en suis vraiment voulu, parce qu'après il passait à Perpète-les-Oules, il n'est jamais repassé vraiment dans la région. On va écouter tout de suite en direct sur le 89.5 de Radio Dio, c'est Boogie, 22h26, mais on va peut-être un petit peu dépasser. Slim Paul, let's go. One of these days you're gonna love me, ma. One of these days you're gonna care for me, ma. One of these days you're gonna love me. For now I bet you never thought of meat like this. But one of these days you're gonna love me, ma. One of these days you're gonna see me, yeah. One of these days you're gonna feel me, yeah. One of these days you're gonna see me. For now, I bet I know you just stop believing. One of these days you're gonna see me. I am your soulmate. I am your man. I am the one who understands. Taking care of you is what I do. But if you really wanna leave and set us apart, I guess I gotta give up and let you play the part. But one of these days you're gonna love me, ma. One of these days you're gonna pray for me, girl. One of these days. One of these days you're gonna shake for me, girl. One of these days. One of these days you're gonna pray for me. I tell you, gonna pray for me to forgive your mama. One of these days you're gonna pray for me, yeah. You are my soulmate, you are my girl. You are the one who make me twirl. Taking care of me, you never did. But not more than ever, you let me fall. I tell you, one of these days you're gonna hear the call. But one of these days you're gonna pray for me, girl. Yeah. One of these days you're gonna love me, my. One of these days you're gonna care for me, my. One of these days. One of these days you're gonna love me. For now I bet you never thought me like this. But one of these days you're gonna love me, yeah. I am your night thing. I am your friend. I am your morning throat stealing again. And I'll be your man, girl. I'll be your man, girl. I'll be your man. Voilà, on s'est un petit peu fait avoir par Slim Paul. C'est pas très grave, on aurait pu laisser ce morceau parce qu'il était vachement pas mal, mais on n'a pas pensé à ça. On n'a même pas un morceau derrière en plus. Et ben peut-être on va laisser courir Slim Paul. Non, tu l'as arrêté. Bon ben voilà, c'est vraiment l'émission très très très très improvisé. On n'est pas du tout dans le timing de l'émission. On a réussi à faire gagner des places et ça c'est l'essentiel. On est très content et on espère retrouver pas mal d'auditeurs et de gens qu'on connaît pour cette soirée du 24 avril. C'est jeudi prochain, c'est vraiment bientôt. On va pas tarder de vous quitter. On va passer encore un ou deux morceaux. Là tout de suite, on va passer. Bah oui, on va la passer aussi parce qu'alors elle, c'est une blues woman. Elle est française, elle est de la région. Je l'ai vue un nombre incalculable de fois. Elle a beaucoup de talent. Il s'agit de Sophie Malbec. N'importe quel morceau fera l'affaire, mais le premier, si tu veux l'annoncer vers haut, c'est pas mal. Allez. Hideaway Man. Hideaway Man. Et vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Audio, vous êtes bien dans Boogie, l'émission la plus improvisée et la plus... Alors, je sais pas, elle est tellement merveilleuse quoi. Il y a plus d'adjectifs pour la qualifier. Et ben on va écouter Sophie Malbec. Sophie, ben pareil, je t'embrasse, je sais pas sûr que t'écoutes, voilà, parce que t'es un petit peu moins dans la région que chez nos voisins lyonnais, une fois de plus, mais... Ben voilà, si t'écoutes sur le replay, comme on dit, sur le... sur le podcast. Ah oui, c'est une sorte de replay. Oui, finalement, ça marche. Et ben Sophie, si tu nous écoutes sur le podcast, et ben voilà, je t'embrasse et j'espère aussi que tu fais partie des gens qui pourraient venir ici avec ta guitare, parce que alors ça, improviser à la guitare, ça, je sais que tu sais faire. Et que ça serait un grand plaisir de t'avoir ici. On écoute tout de suite. Thank you. Wow, wow, yeah, yeah. Sophie, merci Sophie Balbec. Sur l'album Road of Blues Memory, composé, arrangé par Neil Black, ouais, voilà, Sophie Malbec, F. King, donc je pense que c'est quelque part une reprise retravaillée. Hideaway Man. On peut peut-être citer les musiciens, c'est son groupe traditionnel, hein, c'est ce. Elle joue pas tout le temps avec eux, mais quand même, Pierre Caponi, harmonica. Sophie Malbec, lead vocal, acoustique guitare, Pierre Gibb à la basse, Yannick Urbani, drums, et musicien additionnel, et Neil Black sur quelques titres, et Mike Lottrell, piano et orgamon. Voilà, on va peut-être terminer l'émission, bah, pas là-dessus. Tu as une petite dédicace, ouais, à faire, je j'ai crois. Une petite dédicace pour Muriel. Muriel, qu'on nous a écouté, pardon, qu'on Muriel, embrasse. Muriel, qu'on embrasse, voilà, c'est, qu'on je voulais juste dire ça, voilà. Voilà, qui nous a écouté ce soir. Je ne sais pas si elle est encore derrière si son poste, là, ouais. Mais si elle a tenu le coup. Est-ce qu'elle a tenu le coup après tous nos déboires techniques et autres. En tout cas, elle était à l'écoute. Elle était à l'écoute, ça fait plaisir. D'ailleurs, voilà, un petit clin d'œil et petit salut à tous ceux qui nous ont écouter ce soir. Alors j'espère qu'ils se sont bien marrés quelque part et puis qu'ils nous excuseront tous ces petits soucis. Aujourd'hui c'était particulièrement gratiné, mais c'est ce qui fait le charme. Mais voilà, ça fait le charme de cette émission. C'est une émission bénévole. On fait ça à temps perdu. On fait ça parce qu'on aime la radio. On fait ça parce qu'on aime cette radio-là, cette émission aussi, et pour plein d'autres raisons. Et on espère faire partager tous ces bons moments avec vous. Et ben Muriel, on t'embrasse. Ouais. Et on lui dédicace ce morceau. Un morceau qu'elle aime beaucoup, ouais. Qui n'est pas du blues, mais ben c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, et on donne rendez-vous le 30 avril à tous nos amis auditeurs pour une prochaine émission de Boogie. Ouais. Et du coup, je lance Malik Judy vivant. Quelque chose comme ça. Let's go. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime. Des questions sur tout, les doutes qui s'ajoutent. comme je t'attends.